Rousse ou blonde? Je pense que je vais essayer les deux. CKRL. L'émission Les oreilles ailleurs vous est présentée par le Café Babylone. Lieu de rencontre et de dépaysement, le Café Babylone est une invitation permanente à la découverte culinaire. Laissez voyager vos sens. Au 181 Saint-Vallier-Est, cafébabylone.com. Bonjour, c'est Michel Monnette au micro pour cette émission Les oreilles ailleurs. Ce qu'on vient d'entendre, c'est Yatka. Yatka, c'est un groupe de musique rock qui est originaire de la République de Touva, en Russie. Les Touvains, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de la République de Touva, c'est un peuple turcophone de culture mongole. La République populaire de Tanu-Touva était officiellement placé sous la protection de l'URSS qui a fait interdire le chamanisme à Touva en 1931. Je vous parle de ça, c'est pas pour rien, vous allez voir qu'il y a un lien avec d'autres pièces qu'on va entendre aujourd'hui, chamanisme. C'est beaucoup, beaucoup dans le folklore réinterprété qu'on va être pour cette émission, l'émission de cette semaine. Dernière petite information qui va sans doute vous intéresser, le Touva, c'est une des républiques de la Fédération de Russie, donc le Touva est demeuré au sein de la Russie, il ne l'a pas quitté comme d'autres, comme l'Ukraine et comme d'autres. Et on y compte environ 300 000 habitants. À peine, c'est à peine la ville de Québec, quoi. Yaka est composé du chanteur et guitariste Albert Kouvezin, du percussionniste Yanka Tchatkov, qu'on appelle aussi Raspoutine, et du Raspoutine, célèbre personnage de l'histoire russe, et du bassiste Scipio. Yaka maîtrise le ko-o-mei, c'est une technique mongole de chant diphonique permettant de tenir deux notes à la fois, une note grave venue de la gorge et une note aiguë venue du nez. Leur composition s'appuie sur une musique chamanique, je l'ai dit, sibérienne, en rajoutant des instruments électriques. On va écouter maintenant, je vais sûrement avoir l'occasion de revenir dans d'autres émissions sur la musique que fait Yatka, mais aujourd'hui c'est un petit peu plus pot-pourri, disons. C'est, comme je l'ai dit, c'est autour du folklore, mais folklore réinterprété. On va écouter d'ailleurs Dadar Van Tchig Enk Jargal, surnommé Epi, appelons-le Epi, tiens, c'est plus simple, né à Ulan, ça c'est Ulaanbaatar, c'est en Mongolie. Epi va grandir en traversant la taïga avec sa famille et leur troupeau de chevaux. Éventuellement, il va étudier la musique au conservatoire d'Ulaanbaatar. Depuis 1989, il est installé en Europe, plus précisément en Allemagne. Il donne de nombreux concerts avec des musiciens issus de la world music. Dans la pièce qu'on va écouter, il est accompagné de Mathias Duplessis. C'est une chanson issue d'un album qui rend hommage à Brassens. L'album s'intitule Écho d'aujourd'hui. La chanson s'intitule Teneg Han. C'est la chanson Le roi de Brassens. On écoute. Cher Brassens, peut-être vous écoutait-il galopant quelque part sur un cheval imaginaire dans la plaine de Mongolie. Quoique j'imagine difficilement Georges Brassens galoper sur une plaine de Mongolie. avec un cheval. Enfin, le prochain groupe qu'on va entendre, c'est un groupe que j'aime beaucoup, particulièrement. C'est un groupe polonais. Il s'appelle Ruta. R.U.T.A. Si vous cherchez dans les internets, comme on dit. Je vais tâcher de vous le dire correctement. De Reactionary Terrorist Artistic Union, the Movement Akas, alias The Movement of Utopia, Transcendence and Anarchy. C'est une idée de Maciej Czaskowski, qui est le fondateur de Warsaw Village Band, qu'on va entendre aussi un peu plus tard dans l'émission, dans la deuxième partie. Donc, il a invité des chanteurs légendaires de groupes punk polonais à chanter des paroles de chansons archaïques paysannes de la révolte contre le régime féodal d'exploitation à l'époque. L'ironie veut que la droite polonaise lui reproche des paroles qui sont surgies du passé. Faut le faire. Peut-être est-ce parce que c'est un mélange de musique punk et d'art traditionnel polonais. Enfin, quoi qu'il en soit, on va écouter deux pièces. Une première qui s'appelle Lament Chlopski, et ça c'est tiré de l'album Gore, et ensuite une deuxième qui s'intitule Sadoma. Et vous allez m'excuser si je ne prononce pas le nom de l'album, mon polonais étant ce qu'il est. Enfin, quoi qu'il en soit, toutes les pièces que je fais jouer, je le redis, je le dis à chaque fois, toutes les pièces que je fais jouer, je les mets, je les indique sur le blog de l'émission qui s'appelle Les Oreilles Ailleurs, lesoreillesailleurs.net, tout comme le titre de l'émission, Les Oreilles Ailleurs, lesoreillesailleurs.net, un seul mot.net. Donc, je mets tout ça un peu plus tard dans la journée sur le blog de l'émission, donc vous n'avez pas à vous faire de soucis si vous n'avez pas retenu le titre des pièces ou si vous êtes incapable de le retenir parce que c'est en langue étrangère. Tout ça va être sur le blog de l'émission. On écoute donc Ruta. Oi, Sadoma, panie bracie. Słyszycie, jakie teraz ciężkie lata, które gnębią ludzi tego świata. Gorzej nie jest ci człeku żadnemu, jako na wsi chłopkowi biednemu. Bieda wielga jest pomiędzy ludem, wielu ona często trzepi głodem. Jeno chleba i soli dość mają, twarogiem i maślanką się krzepią. Jagły w mleku te są bardzo rzadko, dnia każdego są gajdoki tylko. Knedle zasie, kluski, mięso, jaja, od wielkiego święta jeno mają. Czelać mruczy, kiedy więcej pracy, cierpliwości kto przy tym nie straci. A zapłatę musisz jej całą dać, choćbyś miał dniem i nocą orać. Jak masz syna, co nie jest za mały, przy tym zdrowy jest na ciele całym, siłą ci go zabiorą w rekruty, choćbyś chował go we wszystkie kąty. A od panów byś darmo tego czekał, aby rządca chłopu pofolgował. Musi on czynsz i daniny złożyć, choćby miał i w niebie się zadłużyć. Nie wszystko da, co odeń żądają, z biedakiem srodze ci poczynają. Chłostą, głodą i egzekucją, tym wszystkim ci dookoła grożą. Musimy ten krzyż nasz dalej nosić, a z ufnością Pana Boga prosić, aby dał nam po tym krzyżu naszym wszystkiego dość tam w raju niebieskim. Thank you. Sadoma, panie bracie, Sadoma, Sadoma. Nie ma chleba, panie bracie, ni w poli, ni doma. Nie ma chleba, panie bracie, ni w poli, ni doma. Sodoma du groupe Ruta, r.u.t.a, si vous le cherchez, dans les internets. L'ironie du sort veut que les deux principaux membres du groupe qu'on va entendre bientôt, qui s'appelle John Wizards, du nom du principal chanteur. Principal interprète John Wizard. L'ironie du sort donc veut que les deux individus se sont frappés au sens vraiment littéral du terme quelque part à Cape Town en Afrique du Sud. Et il en est issu une collaboration qui a donné un album, ma foi, fort intéressant à écouter. Ça va être une petite incursion du côté. On reste quand même dans des éléments folkloriques, mais en tout cas, on descend un petit peu dans le sud. On va faire une petite incursion du côté de l'Afrique du Sud. Et c'est celui qui l'a frappé, c'est le Rwandais réfugié Emmanuel Nzaramba. Les deux donc se sont mis ensemble, ils ont commencé à produire, ils ont produit cet album qui, bon, d'après les critiques, justifie amplement le mot magique. On va écouter une pièce de cet album, encore une fois, tout comme Yatka qu'on a entendu en début d'émission, je vais sûrement avoir l'occasion de revenir avec d'autres pièces de John Wizard. On écoute donc la pièce Limpop. Ika na mimi tunapiga muziki hapa kwenye studio usiku wa leo hakuna kulala sisi tumechacha hatuna hela mfukoni ila sisi tunaruka na mdundo wa muziki. Eyo man John Wizard. come on. Intermède fort musical, fort agréable, une sorte de transition entre Rota et la pièce suivante de Mary Boine, Inna Zelanaya et Sergei Starostina. Mary Boine Persson, c'est une chanteuse sami de la Laponie, ça c'est en Norvège. Sa musique est directement inspirée de la culture sami, peuple indigène scandinave qui a failli perdre ses traditions après la colonisation des missionnaires chrétiens dès la fin du 17e siècle, avec notamment l'interdiction qui va durer plus de 300 ans du joik, parce que c'était qualifié, c'est une technique musicale, c'est qualifié par les missionnaires chrétiens et par les prêtres de chansons du diable, mais aussi interdiction du tambour chamanique. Je vais sûrement avoir l'occasion de revenir sur Mary Boine et ce qu'elle apporte de particulier à la scène des musiques alternatives. En 1990, quoi qu'il en soit, elle rencontre Inna Zelanaya et Sergei Starostin, ces deux derniers du groupe russe de Farlanders, qui ont l'idée ensemble de produire un album. L'album qui va en résulter, c'est Winter in Moscow, qui va sortir en 2001, donc 11 ans plus tard. On va écouter une pièce de cet album, Das Egon Kujeshu. Et ça va être tout pour la première demi-heure de l'émission. Et je vous promets de continuer dans une veine tout aussi intéressante dans la deuxième demi-heure. À tantôt. Still, I could change.

À chaque rencontre, deux équipes de quatre musiciens improvisent sur des thèmes imposés par l'arbitre. Prochain match, lundi 26 mai à 19h30, alors que l'équipe Le Cercle affronte les Bleus. $12 à l'entrée. Pour plus d'informations, visitez notre page Facebook. L'émission Les Oreilles Ailleurs vous est présentée par le Café Babylone. Lieu de rencontre et de dépaysement, le Café Babylone est une invitation permanente à la découverte culinaire. Laissez voyager vos sens. Au 181 Saint-Vallier-Est, cafébabylone.com. C'est Voyager vos sens, et justement, on va faire un beau voyage dans cette deuxième demi-heure de l'émission. Cette semaine, un peu plus tôt cette semaine, j'ai vu passer sur la page Facebook du Warsaw Village Band une annonce qui m'a beaucoup fait plaisir. Bon, je me suis abonné comme ça à plein de groupes à travers le monde. C'est intéressant parce que c'est une belle façon de voir un peu où ils sont, où ils s'en vont, où ils font des spectacles, mais aussi qu'est-ce qu'ils préparent comme sortie d'album. Et là, ils annonçaient, à Warsaw Village Band, ils annonçaient qu'ils vont faire un enjeu, un album avec Mercedes Péan. Mercedes Péan, elle est originaire de Galice, tandis que Warsaw Village Band, c'est un groupe de Pologne. Si vous étiez là dans la première partie de l'émission, j'en ai parlé brièvement en parlant du fondateur du groupe et qui a aussi fondé le groupe Ruta. Donc, Mercedes Péan, elle est originaire de Galice. Elle poursuit, ça fait de nombreuses années qu'elle poursuit véritablement une œuvre. C'est l'œuvre de sa vie. Une œuvre au fil de laquelle elle se noue des liens de plus en plus harmonieux entre les musiques traditionnelles de sa région et des sonorités électroniques résolument contemporaines. Ça donne un mélange de folklore avec, disons, une texture modernisée et d'expérimentation sonore, le tout sur fond de compositions aux arrangements le plus souvent rock, voire même parfois même presque pop. Du côté de Warsaw Village Band, ben, c'est un groupe publié à la fin, un groupe créé à la fin des années 90. Ils ont publié un manifeste lors de la création du groupe, dans lequel ils écrivent que la formation du groupe résulte de l'envie de contrer la culture de masse et le conformisme. Ça vous donne une idée. Leur musique est aussi, tout comme Mercedes Péan, inspirée de la musique traditionnelle polonaise. Et même s'ils jouent avec d'anciens instruments, par exemple le soukha, des techniques de chant tout aussi anciennes, par exemple les voix blanches, la musique est plus moderne que traditionnelle. Ils se définissent d'ailleurs comme un groupe hardcore folk et biotechno, faut le faire. Je n'ai pas beaucoup de distributeurs qui vont risquer de mettre sur leur étiquette c'est un groupe biotechno, mais enfin, c'est comme ça. Ça correspond à l'esprit du groupe. Alors, comme j'étais bien contente d'apprendre qu'ils vont se joindre ensemble pour faire un album, j'ai décidé de vous faire jouer en alternance des pièces de Warsaw Village Band et des pièces de Mercedes Péan, et de terminer le tout par une pièce où ils jouent ensemble. Il y a de mémoire, je pourrais vérifier pendant que les pièces vont jouer. Je crois que c'est il y a 2 ans qu'ils ont joué cette pièce-là ensemble. Je n'en dis pas plus long pour le moment. On va commencer par Babel de Mercedes Péan. C'est tiré de l'album SOS. Ensuite, Musicians Are Playing. C'est du Warsaw Village Band. C'est tiré de l'album Nord. Ensuite, on va écouter Sao Paulo de Mercedes Péan, qui est tiré de l'album SOS. Puis Step This and That du Warsaw Village Band, aussi tiré de l'album Nord. Quant à la dernière pièce, je vous l'ai dit, je ne vous en dis pas plus, je vais vous en parler tantôt. Commençons donc avec Babel de Mercedes Péan. We'll be right back. بالي عايش في السويد طول عمري بالي 32 سنة في السويد. أنا مصري عندي 33 سنة. خلينا نعيش وشغلنا نعيش شركة ويش وأبوك Yeah. protesto contra o financiamento por parte de campanha. Oh, będziesz moja. Wejdź najmilejsza, która będziesz mój.